Ésaïe chapitre 34. Approchez-vous, nations, pour écouter, et vous, peuples, soyez attentifs, que la terre et tout ce qui est en elle, écoute, que le monde habitable et tout ce qui est produit, écoute. Car l'indignation de l'Éternel est sur toutes ses nations, et sa fureur sur toute leur armée, il les a mis à l'interdit, il les a livrés pour être tués. Leurs blessés à mort seront jetés là, et la puanteur de leur corps mort se répandra, et les montagnes découleront de leur sang. Et toute l'armée des cieux se fondra, et les cieux seront mis en rouleau comme un livre, et toute leur armée tombera, comme tombe la feuille de la vigne, et comme tombe celle du figuier. Parce que mon épée est enivrée dans les cieux, voici, elle descendra en jugement contre Édom, et contre le peuple que j'ai mis à l'interdit. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, elle s'est engraissée de la graisse, et du sang des agneaux et des boucs, et de la graisse des rognons de moutons, car il y a un sacrifice à l'Éternel dans Botsra, et une grande tuerie au pays d'Édom. Et les licornes descendront avec eux, et les veaux avec les taureaux, leur terre sera enivrée de sang, et leur poussière sera engraissée de graisse. Car il y a un jour de vengeance à l'Éternel, et une année de rétribution pour maintenir le droit de Sion. Et ses torrents seront changés en poids, et sa poussière en soufre, et sa terre deviendra de la poix ardente. Elle ne sera point éteinte ni nuit ni jour, sa fumée montera éternellement, elle sera désolée de génération en génération, il n'y aura personne qui passe par elle à jamais. Et le cormoran et le butor la posséderont, le hibou et le corbeau y habiteront, et on étendra sur elle la ligne de confusion, et le niveau de désordre. Ses magistrats crieront qu'il n'y a plus là de royaume, et tous ses gouverneurs seront réduits à rien. Les épines croîtront dans ses palais, les chardons et les buissons dans ses forteresses, et elle sera le repère des dragons, et le parvis des chaillants. Là les bêtes sauvages des déserts, rencontreront les bêtes sauvages des îles, et la chouette criera à sa compagne, la même se posera à l'or frais, et y trouvera son repos. Là le martinet fera son nid, et y couvera, et éclora, et il recueillera ses petits sous son ombre, et là aussi seront assemblés les vautours l'un avec l'autre. Recherchez au livre de l'Éternel, et lisez, il ne s'en est pas manqué un seul point, celle-là ni sa compagne n'y ont point manqué, car c'est ma bouche qui l'a commandé, et son esprit est celui qui les aura assemblés. Car il leur a jeté le sort, et sa main leur a distribué cette terre au cordeau, ils la posséderont à toujours, ils y habiteront d'âge en âge.